La vie en BD, édition du 11 septembre 2015. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette première émission de la saison 2015-2016 de La Vie en BD, votre magazine consacré à l'univers du 9e art sous ses différentes formes, univers élargi également puisqu'on se consacre outre à la BD, à l'illustration jeunesse, également au cinéma d'animation. Et évidemment, c'est un plaisir de se retrouver pour une nouvelle saison, la quatrième d'ailleurs qu'on a le plaisir de passer ensemble. Et j'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que si vous voulez replonger dans les éditions précédentes, si vous découvrez ce soir l'émission, vous avez envie de voir les entrevues qu'on a réalisées, notamment au fil des dernières années, bien, tout est disponible évidemment sur le web en balado-diffusion, donc sur lavieenbd.wordpress.com. Alors, nouvelle saison dans laquelle évidemment on essaiera et on espère être à la hauteur des éditions précédentes, des saisons précédentes. L'an dernier, c'était quoi, à peu près 75 auteurs qu'on a eu le plaisir de recevoir en entrevue au fil de l'année, couvrir évidemment les actualités, les sorties d'ici, mais toujours en ouvrant la porte aussi aux sorties, aux rencontres issues d'ailleurs. Alors, pour cette semaine, d'ailleurs, on a décidé de commencer en force la saison avec une émission très remplie, très chargée. Et on est bien content d'ailleurs. Notamment, ben, on va porter un regard sur les rendez-vous de la BD à la Bibliothèque Gabriel Roy. Donc, retour de la saison, Michel Giguère qui sera de passage avec nous pour nous en parler, pour nous présenter un peu sa thématique de cette semaine. Donc, pour réfléchir un peu à cette thématique-là avec nous, alors, on parle de jouer avec les codes, avec les contraintes formelles, les exercices de style. Donc, quelle bande dessinée ça donne à ce genre d'exercice? Ça sera intéressant, évidemment, de s'y plonger. Il y aura également deux fanzineux, si on peut dire, qui travaillent sur leur projet depuis 5 à 7 ans et même plus. Alors, Julien Dallaire-Charret et Joël Sim, respectivement, pour Copinet Copineau et Le Bob, qui seront de passage. On va jaser avec eux de ce qui fait la force, peut-être, de ce médium-là, et ce qui fait aussi qu'on va réussir à faire durer un projet dans le contexte de production indépendante. Également, on va porter un regard sur la saison 2015-2016 de la Ligue québécoise d'impro BD, avec Élodie Cuneau du comité organisateur de la Ligue qui viendra nous parler un peu de ce à quoi s'attendre au fil de l'année prochaine et de l'année qui commence. Et évidemment, ben, on amorce tout ça avec, je pense, un sujet incontournable, une sortie qui était bien, bien attendue, comme à l'habitude, on aura envie de dire, chez les lecteurs autant québécois qu'européens. Il s'agit du 7e tome de la série Les Nombris, sous-titré Un bonheur presque parfait. Et pour en discuter avec nous, ben, on est en compagnie de la scénariste Maryse Dubuc, bonjour. Bonjour. Alors, 7e tome, donc Des Nombris, est un album qui, de manière générale, me semble beaucoup tourner autour de la question de la quête identitaire, de la difficulté des décisions à prendre à des étapes peut-être un peu charnières de la construction de qui on est à l'adolescence, finalement. Oui, c'est ça. Les Nombris, ça a toujours été l'histoire de trois jeunes filles qui, bon, ils ont chacune leur personnalité assez trempée, si on veut, mais on les a vues jusqu'à maintenant dans la première partie, on pourrait dire, de leur adolescence. À ce moment-ci, ils arrivent dans la deuxième partie d'adolescence, là, on approche de l'âge adulte, c'est le moment où on doit prendre des décisions qui vont avoir de l'importance sur le reste de notre existence. Donc, effectivement, on les amène dans un beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de... Par rapport, je dirais, aux tomes 5 et 6, qui étaient plus polars un petit peu, là, dans cet album-ci, il y a beaucoup plus... c'est beaucoup plus intérieur, remise en question des valeurs, des choix. Est-ce que je dois suivre ce que ma tête me dicte ou ce que mon cœur me mène à faire? Oui, puis avec les enjeux et les questionnements qui sont aussi propres à l'adolescence par rapport au poids du groupe versus les désirs personnels, on plonge vraiment là-dedans dans ce que vous avez décrit, je pense, dans certaines entrevues, comme un portrait un peu de l'adolescence aussi. Oui, c'est ça. Par exemple, on a Jenny qui se retrouve, Jenny qui est la superficielle du groupe, si on veut. Là, tu sais, c'est celle qui a des difficultés dans sa famille, puis qui se réfugie un peu dans l'image, puis dans la beauté. C'est un peu la princesse, si on veut, là, de la série. Puis qu'elle se retrouve dans une situation où elle est avec un garçon qui est enfin un 10 sur 10, et puis qui la qui est avec elle juste parce qu'elle est jolie, puis être avec lui juste parce qu'il est joli aussi. Mais au-delà de ça, on essaie d'expliquer ce qui se passe dans sa tête, en fait. Pourquoi Jenny a besoin de ça? C'est pourquoi elle a besoin d'un trophée à son bras pour se remonter. Puis on comprend que tout ça vient de des blessures, des difficultés d'intégration avec les groupes de filles à l'école. Donc, on voit que, tu sais, l'un se sert de l'autre et l'inverse est vrai aussi. Oui, puis en même temps, ce qui est intéressant par rapport justement au travail fait sur ce personnage-là, c'est qu'au départ de la série, c'était le personnage qu'on aimait peut-être le plus à détester. Et d'une certaine façon, bon, au fil des albums, on lui donne du corps et avec cela, ça explose. On a pris le pari un peu d'essayer de la rendre sympathique dans sa manière d'être aussi, de nous faire comprendre du moins pourquoi elle était méchante et de nous la rendre sympathique à travers ça. Ben là, en fait, c'est par rapport à Vicky, exactement. Oui. C'est un album qui est vraiment plus tourné sur ce personnage-là. Donc, c'était vraiment un défi là, de prendre un personnage, le personnage détesté, puis de le rendre empathique, finalement. On pourrait dire que, par exemple, les tomes 1 à 4 de la série étaient plus centrés sur Karine, puis c'était plus naturel là, pour un lecteur d'aimer Karine. Tu sais, c'est la victime, c'est la gentille fille, naïve, c'est une espèce de tortue, pas de carapace. Tu sais, on a naturellement envie de l'aimer et de la protéger, alors que Vicky, à quelque part, c'est une fille tout aussi sensible, tout aussi fragile, mais elle a une attitude très, très différente parce qui lui a été dictée par son environnement familial, ses parents qui l'ont comme un peu élevé en killer. Il faut être mince, il faut être parfait, il faut avoir des bonnes notes. Donc, c'est une fille, c'est ça, qui fonce, et ça la rendait un peu agressante, si on veut, là, pour envers les personnages qui l'entourent. Mais là, c'est ça, dans le tome 7, on approfondit encore les raisons qui la poussent à être comme ça. Et c'est un peu aussi, je vous dirais, elle a choisi de sortir avec son voisin d'en face, qui est le gendre idéal selon ses parents, parce qu'elle veut satisfaire à cette demande-là qui est une trop grande pression sur ses épaules, alors qu'elle sait très bien que son bonheur est ailleurs. C'est ce qui nous ramène un peu au titre de l'album, en fait, c'est que tous les personnages se rendent compte qu'ils réussissent à atteindre ce qu'ils croyaient être le bonheur, mais c'est pas aussi parfait. Une fois que tu y touches à ça, rend compte que c'est pas aussi simple, finalement. Oui, puis à travers ces thématiques-là, ben subtilement, en fait, je pense qu'on le voit au fur et à mesure que Marie Dubuc, vous décrivez un peu justement l'esprit de cet album-là, qu'on arrive subtilement à amener des grands sujets, des grands questionnements qui rappellent pour certains l'adolescence, pour des lecteurs comme moi un peu plus âgés, et j'imagine pour ceux qui sont en plein dedans, ben qui les confrontent peut-être aussi à certaines décisions, mais c'est amené pas avec les gros sabots, au contraire, c'est subtil, il y a pas non plus de constats de moraux qui sont émis, donc on dresse des portraits, puis en même temps, il y a des éléments au-delà du plaisir qu'on a à lire cette BD-là qu'on peut aller tirer aussi de ce septième tome des Nombris, comme des autres tomes d'ailleurs. Là. Ah, mais ça fait plaisir à entendre parce que c'est effectivement notre façon de travailler, notre envie avec les Nombris, c'est de susciter beaucoup de questionnements, idéalement des conversations, parce que ce qu'on aime beaucoup, c'est d'avoir des lecteurs qui, par exemple, deux générations de lecteurs qui nous lisent, les parents, les enfants, de susciter des conversations, des débats. On veut pas donner les réponses parce que, de toute façon, sur plusieurs sujets, il y a pas une unique bonne réponse. Donc, de susciter la conversation, l'ouverture aussi, montrer les deux points de vue, montrer que tout n'est pas ni noir ni blanc. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Et j'imagine c'est qu'à un moment donné, dans le fond, il y a la décision qui s'est prise et que vous avez réussi à convaincre votre éditeur de vous suivre là-dedans, de faire évoluer les personnages, les faire vieillir, de pas tomber dans du boule et bile où l'enfant, pendant 40 albums, il y a 5 ans, mais au contraire, d'avoir des personnes qu'on peut construire et de déborder, de sortir de la série à gag. C'est un pari qui, de toute évidence, en fait, a fonctionné, mais à l'époque, quand vous aviez tenté de convaincre vos éditeurs, est-ce que la partie était plus difficile à gagner, peut-être? Ben, il y a eu effectivement des petites réticences parce que à la base l'image que les gens avaient de la série, c'est que c'était une série à gags, donc les personnages allaient toujours continuer à se ressembler, puis que les running gags allaient continuer éternellement pendant, c'est ça, 27 albums. Mais notre choix en tant qu'auteur a été de faire en sorte de, c'est ça, faire une évolution, à la fois parce que ça nous remet toujours au défi, ça nous permet d'aller dans des directions qui sont complètement différentes. tu sais, de passer du polar à quelque chose de plus intérieur, comme on a fait dans cet album-ci, c'était quand même un gros choix, là, parce que, tu sais, on avait amené un tueur en série, là, tu dis, bon, après ça, comment tu peux monter le niveau d'intensité au-delà de ça? Quand t'as eu un tueur en série dans une BD d'humour, c'est quoi le niveau suivant, là? Fait qu'à un moment donné, cette escalade-là, il fallait aussi passer à autre chose, mais c'est aussi ce qui nous amène à varier comme ça dans les albums, c'est aussi la contrainte du nombre de pages. Un tome dénombré, c'est seulement 44 à 48 gags. Dans ce cas-ci, on a débordé un petit peu, là, on a 4 gags de plus qu'à notre habitude. Mais c'est très limité comme nombre de pages, comme espace. La BD, ça prend de la place pour raconter. Puis en plus, comme on a 3 personnages principaux et non pas un comme on voit plus généralement, on a 3 trames narratives à faire avancer parallèlement. Oui, puis qui ici, justement, il évolue de manière très parallèle aussi, dans mesure où les filles interviennent relativement peu, finalement, ou à quelques moments charnières dans les trames des autres, mais c'est on est moins avec le duo des deux, Karine de son côté, ou sinon les trois ensemble, là, c'est vraiment 3 intrigues séparées. Oui, c'est ça. Ben, on avait amené ça un peu avec l'album précédent, oui, qui se passait en été. Fait que là, comme le contexte n'était pas l'école, chacune était de son côté. Là, ils sont revenus à l'école, c'est la rentrée, en fait. Puis là, ils reviennent un peu les unes vers les autres, mais en même temps, ils ont vécu des trucs cet été, ils ont rencontré des gens, ils ont grandi, ils ont évolué. Donc, ils s'influent les unes les autres, mais c'est vrai d'une façon peut-être justement un peu plus adulte. Et en même temps, à travers ça, il y a aussi une structure, j'imagine, je pense que j'ai tombé sur certaines entrevues où vous disiez, ben regardez, on sait comment ça va finir, on sait où on veut amener nos personnages, on a une idée d'une dizaine d'albums aussi, donc il y a quelque chose d'assez structuré dans l'univers des nombris. C'est pas une création au hasard non plus d'un tome à l'autre, là. Non, c'est ça. Par exemple, l'évolution de Karine, de faire en sorte que la victime, qui se faisait toujours taper dessus par les deux autres, se reprenne en main, puis se transforme, et qu'ensuite elle se questionne même sur cette transformation-là en regrettant peut-être un peu la Karine naïve et gentille qu'elle était au début. Ça, c'est quelque chose qu'on avait en tête bien avant de l'amener dans les albums. À ce moment-ci, on a Vicky qui se questionne sur son orientation. C'est quelque chose qu'on connaissait. On l'a amené déjà un petit peu à la fin du précédent album. Ici, on le développe davantage. C'est quelque chose qu'on connaissait depuis longtemps du personnage, et on avait placé des indices aussi au fil des albums à ce niveau-là. Aussi par rapport à la fin du tome 7 qu'on dévoilera peut-être pas, les lecteurs, il y a des lecteurs qui avaient compris vers où on allait avec cette voie-là. Donc on place nos indices, on s'amuse avec tout ça. Et c'est parce que pour nous, les personnages ont une vie réelle. T'sais, souvent, on se fait demander où prenez-vous votre inspiration, mais je vois pas où on pourrait la prendre autre que dans la vie qu'on a déjà créée pour nos personnages. Pour nous, chacun des 3 personnages a sa ligne de vie avec des points culminants importants par lesquels on veut les faire passer. Puis après, il reste juste à arranger ça à l'intérieur de l'album, puis à trouver une logique, parce que le fait d'avoir 3 personnages nous oblige dans chaque album à trouver une thématique, par exemple, qui relie les 3 histoires, ou un lieu où tous les fils vont aller se dénouer. Il faut trouver des trucs pour un peu rassembler les histoires, pour que ce soit pas 3 parties complètement séparées les unes des autres. Oui, puis trouver la bonne mécanique, trouver le bon équilibre entre tout ça. Et d'une certaine façon, ben, les albums précédents, autant que votre plan de match, ben, ça sert de fondation, donc ça force aussi la cohérence. Et si je vais relire, comme vous disiez, dans le fond, le tome 4 ou le tome 3, ben, je vais trouver des éléments qui vont se poursuivre dans le tome 7, en fait, donc de récompenser aussi le lecteur qui lit la série au complet plutôt que de juste un tome. Exactement. Puis on essaie d'avoir un peu cette espèce d'échange-là avec les lecteurs, puis ça se retrouve même, je dirais, dans tout le travail des arrière-plans, des décors, des figurants qui sont tout au fond dans les cases. Il y a beaucoup de soins qui a été mis à mettre du bonus, un petit plus pour le lecteur qui lit l'album une première fois pour l'histoire, pour les gags, juste pour s'amuser comme ça, mais qui après peut aller fouiller les cases pour trouver les liens qu'on a fait entre les choses ou juste des gags d'arrière-plan qu'on a ajoutés pour à quelque part optimiser l'espace. Là, quelque part, une BD, ça se vend tellement cher. Il faut quand même réaliser que c'est pas loin d'un 20$ qui part quand tu achètes un album, mais il faut que tu en aies pour ton argent. Il faut que ta lecture, ce soit sais, si tu le lis une fois, tu n'as plus jamais l'intention de le relire. C'est presque trop cher. Là. Si tu as le goût de le relire ou le goût de le prêter, ah, tout à coup, tu optimises le montant que tu as investi. Donc, à quelque part, nous, on cherche beaucoup à faire ça, puis on le cherche aussi dans nos lectures. Et j'imagine aussi, si on se reporte au jour du lancement, je pense en fait les statistiques qui ont été sorties, vous étiez dans les 10 gros tirages de la rentrée littéraire, évidemment Titeuf, Astérix qui sont dans ce top 10-là aussi, à 170 000 exemplaires en circulation. Je pense que d'un côté ça montre bien l'engouement qu'il y a autour de la série, de l'autre côté de savoir qu'il y a autant de gens qui sont à l'écoute, que vous avez plusieurs amphithéâtres et colisées de lecteurs finalement. Est-ce que ça met une pression un peu additionnelle en disant, mais mon Dieu, ce que j'écris, ça a cette portée-là? Oui, c'est vraiment une chance exceptionnelle qu'on a d'avoir cette tribune-là, si on veut. Oui, effectivement, on le sent quand même comme une responsabilité. On pèse et on sous-pèse chacune de nos décisions. D'un autre côté, le choix qu'on a fait depuis le début de la série, c'est de ne pas censurer. On se donne le droit de parler de tous les thèmes, même les plus sensibles, que ce soit homosexualité, suicide, bullying ou peu importe. Il faut juste trouver le bon angle pour le faire. Puis, tu sais, des fois, on a des témoignages incroyables qui nous reviennent aussi là, de gens qui nous disent « Vous avez changé ma vie, j'ai lu les nombris, j'ai découvert que j'aimais pas mon attitude, puis j'ai décidé de changer. » Ou vraiment des feedbacks. Là. Il y a quelqu'un qui nous a même dit « Vous m'avez sauvé la vie », avec le personnage d'Albin, qui est un personnage qui a une différence importante, physique, visible, puis qui passe par une phase où il essaie de la nier, puis il essaie de se cacher, se teindre les cheveux parce que il est albinos, il veut le masquer, puis qui finalement décide au contraire de mettre ça de l'avant, puis d'en faire un peu l'élément le plus important de sa personnalité. C'est ça, il y a quelqu'un qui nous a dit que vraiment ça avait influencé sa vie à ce point-là. Donc c'est ce genre de choses qu'on met dans sa besace quand on les reçoit, j'imagine. Oui, pour les soirs où on travaille, les nuits blanches de travail pour terminer les albums, on repense à ce genre de témoignage-là, puis on se dit que ça vaut vraiment la peine. Oui, puis surtout en fait que, je pense qu'on en a déjà parlé, mais disons que pour trouver l'équilibre dans l'album, la bonne mécanique, ben on le refait, on le réécrit, on jongle beaucoup. Je pense même dans le septième, à un moment donné, vous étiez dit, ah, ben peut-être qu'il y a un personnage qui devrait mourir, peut-être finalement non. C'est ça. Dans cet album-ci, c'est la même chose. On avait écrit notre synopsis, donc c'est ça, notre façon de travailler, c'est vraiment de rédiger l'histoire un peu comme une nouvelle. On l'avait écrit une première fois, on l'a retravaillé, on l'a peaufiné, on était satisfait de ça, on l'a fait lire à Benoît Frébien, notre éditeur. Tout le monde était content, on était prêt à commencer. À un moment donné, avec un peu de recul, on s'est dit « Ah, je sais pas, il y a peut-être autre chose ». Fait qu'on a retravaillé, puis on est revenu avec une histoire complètement nouvelle. On a rapatrié une fin qu'on voyait être une fin dans un album un peu plus loin. On a rechangé beaucoup de choses. Pour une fois, on a eu l'intelligence de le faire avant d'avoir commencé à écrire les gags. Donc, ça nous a peut-être sauvé quelques semaines de travail ardu, mais on développe notre technique de travail afin d'arrêter de dépenser notre temps à faire des gags que finalement on met pas dans les albums, parce que je pense que jusqu'à maintenant c'est le premier album où on n'a pas fait des gags qui sont passés dans Spirou et qui n'ont pas été réutilisés dans l'album. Ça progresse. Oui, on va finir par apprendre à travailler. Et éventuellement, ça sera après ça d'apprendre à faire des films d'animation ou des films live action, des nombris. Oui, exactement. C'est tout un autre métier. Ben, en fait, d'ici là, ben, on découvre évidemment le septième tome donc de la série Les Nombris, Un bonheur presque parfait. Et j'en profite aussi pour mentionner Maryse Dubuc, qu'avec De Laf, vous allez être aussi dans les rendez-vous de la BD en novembre à Québec. Donc, passage pour une rencontre, échange autour justement de la mécanique. On en reparlera évidemment rendu là. Mais oui, c'est un plaisir passage. De rencontrer les lecteurs. Ah ben, Maryse Dubuc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Et nous, ben, on part en musique. Petit extrait qu'on vous propose de l'album The Little Scale in the Garden of Impossible Abundance. toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez suivre un peu l'émission et suivre un peu nos regards sur la bande dessinée, vous pouvez toujours aussi nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. On essaie d'animer ça de manière assez régulière. Et notamment, ça vous permet aussi de vous tenir au courant de l'agenda BD. Beaucoup d'activités qui s'en viennent, notamment ce week-end. On en reparlera d'une qui a lieu samedi tantôt. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur dimanche. Dimanche, le 13 septembre, c'est le retour en saison régulière de la Ligue québécoise d'impro BD, la Liki BD. Et comme d'habitude, à chaque année, on essaie de se faire un petit bilan de l'an dernier, voir un peu comment ça se prépare pour l'année prochaine. Et pour en jaser avec nous, on est en compagnie de la responsable du volet artistique dans le comité de programme, dans le comité organisateur, pardon, de la Ligue, Élodie Cuneau. Bonjour. Bonjour. D'abord, en fait, quatrième saison, Élodie, t'es là depuis les débuts. Tout à fait. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un bon chemin qui a été parcouru comme joueuse à tout le moins, puis aussi comme public, qui a été parcouru au fil des quatre années de la Ligue BD? Oui, ben en fait, c'est de partir d'un concept nouveau et de le faire évoluer. Dans le fond, on allait tous un peu à tâtons, que ce soit les dessinateurs ou les improvisateurs. C'était vraiment de chercher la communion, d'exploiter les deux médiums de la meilleure façon, de se rencontrer finalement de façon la plus naturelle sur la scène et d'offrir un spectacle de qualité et entraînant au public. Donc, c'était tout un défi. Oui, en fait, puis je pense que c'est quelque chose comme maître de jeu de la Ligue qu'on a eu l'occasion de jaser un peu toi et moi. Parce qu'en même temps, en fait, on dit ça comme ça à la radio, tu sais, c'est quand même un peu naturel. Puis il y a quelque chose d'un peu naturel à métier, le dessin puis l'impro, mais il y a quelque chose aussi qui est absolument pas naturel non plus. Parce qu'au bout du compte, c'est deux disciplines qui évoluent pas du tout dans la même dimension, mais pas du tout aussi au même rythme. Non, c'est ça. C'est d'ouvrir ses bulles aussi, parce qu'on est à la fois scénariste, interprète, et il faut être aussi très à l'écoute de son partenaire de jeu, donc que ce soit le comédien en face de soi ou le dessinateur derrière, même s'il y a les écrans qui projettent leur travail en simultané, c'est avoir un regard périphérique, un jeu très ouvert et souple. Donc la souplesse, ça se travaille, c'est un muscle. Et comment ça se passe justement? T'es sur la scène, faut que tu regardes tes joueurs, faut que tu regardes le dessin, faut que tu écoutes la musique, faut que tu penses à ton histoire. Tout ça. Ça doit être assez intense. Oui, c'est faut être en état d'éveil intense. Je sais pas comment dire. C'est il y a une petite magie. Bah surtout quand tout s'amalgame merveilleusement. Là, y a vraiment c'est de la magie un peu quand même. Et c'est très apprécié en général du public. Ça se ressent aussi dans la salle tout de suite quand on fait de bons coups. Et il y en a. Et là, c'est toujours le défi en même temps le début de saison, remix des équipes aussi. Tout à fait. J'imagine avec certains dessinateurs. À la longue, vous finissez par savoir un peu quel genre de trucs ils vont amener, ou eux savent quel genre de trucs vous allez amener. Oui, il y avait des chimies, des équipes qui aimaient se retrouver au niveau des membres. Là, on a voulu cette année justement un petit peu exploser ça, et on a vraiment brassé les équipes, donc ça donne déjà un nouvel alignement par équipe. Ensuite, on a un retour de certains dessinateurs, dont Paul Bordelot, et des nouveaux arrivants qui viennent remplacer d'autres dessinateurs partis pour occupation très noble et gagner leur vie. Donc on a Catherine Lemieux et Caroline Soucy qui sont venues rejoindre les rangs des dessinateurs. Et également on a de nouveaux improvisateurs comme Sylvain Vigneault et Jocelyn Garneau. Donc on a hâte aussi de connaître leur sensibilité et leurs univers. Et en même temps, comme joueur, justement, ou même pour toi comme joueuse, c'est quoi un peu l'intérêt, justement? C'est pour le fun d'explorer, de se donner un gros défi de faire de l'impro BD? Oui, en plus, il y avait déjà un intérêt particulier aussi pour la bande dessinée à la base, comme beaucoup d'improvisateurs. Et c'est ça, se mettre en danger, finalement. Ça fait longtemps, moi, que je fais de l'improvisation, et il y en a plusieurs membres également de la Ligue BD qui ont quelques années derrière. J'allais dire la cravate, mais ça se peut pas, derrière le chandail. Et l'impro BD, c'est totalement autre chose. C'est pas question d'avoir des chaussons, il faut se lancer, faut être encore plus à l'écoute. C'est un travail de dentelle et c'est agréable de sortir de sa zone de confort et de rencontrer aussi tout un autre univers artistique. C'est très enrichissant. Et ce qui est assez rigolo, c'est que d'un côté, quand on analyse la chose, ce qu'est l'impro BD, c'est super expérimental. Au bout du compte, c'est assez complexe. Il y a quelque chose de très particulier, mais en même temps, c'est excessivement ludique aussi. C'est de l'expérimentation ludique. J'essaie de trouver une façon sexy de le décrire. C'est très sexy, vraiment. J'aime beaucoup. Mais c'est sûr aussi qu'il faut quand même des petits rappels, parce que justement, c'est tellement ouvert, il y a tellement des possibles qu'on en oublie des fois... d'aller dans les recoins. Donc cette année, on a beaucoup travaillé au niveau des catégories pour aller rappeler les possibilités, l'exploitation du dessin comme costume, comme départ. On a également plein de possibilités qui s'offrent à nous, mais qu'on ne veut pas échapper, donc on y va. Et puis on voulait travailler également beaucoup le côté scénariste des dessinateurs, qu'on a peut-être dans le passé un petit peu moins exploité. Donc chacun va pouvoir partager son monde avec plaisir et passion. Oui. Puis en même temps, c'est que ça reste nécessaire aussi d'évoluer. Si vous, à chaque saison, ça marche, on refait, ben la discipline n'évolue pas. Non, puis en même temps, le plaisir n'évolue pas non plus. À un moment donné, on a l'impression, j'imagine aussi, de se redire un peu. Oui, tout à fait. Et comme c'est un nouveau médium, faut aller pousser, faut chercher, faut séduire. Donc autant les participants que les spectateurs. Donc on essaye toujours d'aller plus loin. Puis on est quand même heureux parce que ça se passe bien. À Québec, mais notamment à l'étranger. Donc, on a été à Saint-Malo, à Lyon. Donc, ça bouge et on a des bons feedbacks. Donc, même d'ailleurs à Montréal, ça fait un petit. Oui. Donc, il y a une ligue là-bas qui a exploité aussi le concept. Donc, on est très heureux du rayonnement, en fait, de cette proposition qui est très intéressante. Oui, puis de l'expertise qui se développe aussi, parce que veux pas une joueuse comme toi, par exemple, c'est ta quatrième saison, ben, oui. Rendu là, le médium, tu le maîtrises assez justement pour l'amener un peu plus loin, parce oui. qu'il faut avoir compris comment la mécanique se passe sur scène. Faut l'expérimenter, parce qu'à chaque fois, on essaye de l'expliquer aux recrues ou à d'autres personnes qui interviennent dans des événements spéciaux, mais on finit toujours par leur dire, ben, tu le vivras. Puis tu comprendras l'illumination là où. Ouais, mais c'est ça, c'est tellement dans le moment qu'il faut le vivre, il faut le vivre. Et est-ce que au fil de peut-être ta dernière année ou tes dernières années, est-ce que une impro des fois j'ai comme l'impression qu'il y a des impros qui nous restent en tête en disant mon Dieu, oui. Si je suis capable de refaire celle-là, est-ce que tu as un exemple pour nous Oui, j'avais beaucoup eu de plaisir avec ma partenaire Geneviève Boivin sur l'improvisation. On devait faire à la manière d'un peintre, on avait choisi Dali. Et le dessinateur allait complètement dans l'univers de Dali, donc un univers coulant, surréaliste. Et nous deux, nous interprétions des prostituées, mais avec un texte aussi un peu décalé. Ça avait créé une espèce de magie dans la salle et on en a beaucoup parlé après, donc on était très heureux. Utiliser le dessin comme moteur d'ambiance, comme moteur d'histoire, comme... Et puis surtout que c'était un peu abstrait quand même, donc ça aurait pu se casser la figure, mais non, ça... Ça a été de la magie, comme on disait tantôt. Et le premier match est dimanche, donc le 13 à 20h au Cercle. Un petit stress de ce côté-là ou... Non, j'ai hâte. J'ai astiqué mon t-shirt orange. J'ai très hâte. Et on découvre ça, évidemment, l'invitation, elle est lancée. Et pour l'ensemble de la saison, ben, ça se poursuit. C'est un match par mois, donc octobre, novembre, janvier, février, mars. Donc c'est sur liquibd.com. On a l'horaire au complet ou sinon facebook.com/liquibd. Élodie Cuneau, bon match dimanche. Merci. Et au plaisir de te voir évoluer oui, sur l'improvisoire. Nous, on s'en va, on retourne en musique, donc toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL et toujours avec notre sélection de la semaine, Little Scale. Écoute de CKRL, Raymond Poirier avec vous. Petit extrait donc de Little Scale, un album que vous trouvez d'ailleurs sur Bandcamp. On est toujours dans la 8-bit, comme les autres saisons. Mais cette fois-ci, c'est de la huile peut-être un peu plus sa saveur ambiante, si l'on peut dire. Alors, en fin de semaine, en fait, samedi 12, à compter de 14h au bar McFly sur la rue Caron, il y a un événement qui s'appelle la mini-foire BDZine. Et l'idée, ben, c'est de proposer, de mettre en valeur, dans le fond, différents types de productions indépendantes autour du 9e art qui sont effectuées dans la capitale. Il y a quand même quelques événements dans lesquels on pouvait les découvrir, les voir, ben, outre leur lancement, comme le Salon Nouveau Genre à Québec, Exposine à Montréal. Mais il n'y avait pas d'événement formel, si on peut dire, autour de ce bendium-là. Donc, on est bien content de voir ça apparaître. Et ben, ça nous a donné envie peut-être de jaser aussi avec des gens qui donnent dans la production indépendante, dans le fanzine, depuis déjà plusieurs années. Et à Québec, ben, on en a deux vétérans, si on peut dire, du domaine, avec 8 à 10 ans d'expérience dans le bagou, si on me permet l'expression. Alors, ils sont avec nous ce soir, Joël Sim Dubob, bonjour. Allô, Romain. Et Julien Dallaire-Charret de Copinet-Copineau, bonjour. Bonsoir. Alors, ben, peut-être d'emblée, là, si on remonte à vos débuts, quand naïvement vous avez décidé de vous lancer. Oui, naïvement, c'est le mot. Qu'est-ce qui fait qu'on décide, on va faire une production indépendante de ce type-là? Ah, vas-y, Joël. Ben, moi, je t'avais déjà raconté mon histoire ici, en fait. C'est que j'ai toujours trouvé qu'il manquait une revue de BD. Puis c'était mon rêve qu'il y ait une revue de BD au Québec. C'est qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est que je l'ai faite en toute naïveté, justement, en pensant que ça pouvait venir gros. Finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était ce que c'était, puis d'assumer ce point-là, genre, finalement. Genre. Le statut underground, ça, on peut dire. Genre. Moi, c'est plus... j'ai étudié en graphisme avec des amis, puis on s'est mis à parler, on aimait ça dessiner, faire de la bande dessinée et tout, puis on a décidé, on va se faire un collectif, puis j'ai appris cette même année-là, c'était quoi, des fanzines, de l'autopublication et tout, par une de nos professeurs, Pascal Bonenfant, puis c'est ça, là, on s'est alliés ensemble, on était trois au début, puis on a commencé, puis l'année d'après, on a recruté quelqu'un, puis là, on a appris, vu qu'on était en graphisme, on était capable de faire le livre au complet, puis que ça a aidé pour l'édition et tout. Et avec les années, ben, on a continué la patente, si on veut. Puis, oui, parce qu'à un moment donné, j'imagine, on se rend compte qu'il y a une récurrence. On se rend compte qu'OK, c'est pas juste un one-shot, c'est rendu un projet, là, c'est rendu un projet long terme même. Ben, moi, ça a toujours été un but que ce soit à long terme. Genre, c'est que aujourd'hui, ça me surprend pas, on dirait c'est comme normal. Genre, des fois, j'ai des petits « Ah, OK, ouais, je suis rendu là, c'est cool », mais pour moi, c'est tellement naturel de faire ça que ça me semble même pas être spécial, genre, qu'on arrive à nos 10 ans, pour moi, c'est juste ça, OK, c'est juste c'est un flag qu'on vient de passer, t'sais. Ouais, je dirais, c'est ça aussi, une fois que tu l'as fait, on dirait que t'as tellement appris ou apprécié, ou même les choses qui ont mal été, tu dis, ah, ben, je vais améliorer ça, puis tu penses juste au prochain tout le temps, même à l'autre d'après, etc., c'est vraiment, c'est ça, on n'a jamais eu d'objectif vraiment, mais là, avec le temps, on commence à consolider une espèce de façon de faire, puis qu'on veut continuer là-dedans. Puis c'est comme ça que ça a été fait. Oui, j'ai l'impression qu'au fil des années, quand on regarde un peu l'évolution de vos propositions, que ce soit Copinet Copineau, que ce soit le Bob, il y a une dynamique de plus en plus professionnelle, peut-être aussi. Définitivement. Puis ça, je le sens dans les deux. C'est sûr que quand tu te rends compte que ça progresse, c'est stimulant de continuer. Ça, c'est clair et net. Puis tant qu'on est stimulé, j'ai l'impression que ça va continuer à rouler parce que c'est motivant. Ouais, puis professionnel, ben c'est quelque chose qu'on vise. En même temps, il y a comme deux courants, je trouve, dans le fanzine. Il y a autant le, puis je trouve ça super le fun. Il y a les trucs plus, moi j'appelle ça comme les fanzines punk là. J'ai photocopié mes notes d'adolescence dans mon scanner. Mais puis nous, c'est ça, on vise quand même à faire des petits livres ou des magazines ou des trucs comme ça. Mais en auto-édition, oui, mais ça veut pas dire que la qualité va être copiée pour autant, là. Oui, puis même à la limite, en fait, c'est à travers la professionnalisation, il y a une notion de qualité. Vous avez fait l'apprentissage aussi du dessin, de la BD dans ça. Puis en même temps, bien, il y a l'apprentissage aussi de la distribution, parce que j'imagine quand le premier Bob ou quand le premier Copinet Copineau pour aujourd'hui, ben, les réseaux, les choses sont un peu plus établies, la vente sur le web, etc. L'organisation s'est développée aussi. Oui, d'une certaine manière, mais c'est peut-être devenu plus simple, mais c'est jamais devenu plus gros. Le Bob est stable depuis 10 ans, c'est le même tir. Ça a vraiment jamais changé. Puis ce qui est, c'est généralement, le monde trouve ça positif. Au lieu de faire, ah, c'est dommage, non, c'est comme, si tu réussis à garder un tirage de plusieurs centaines pendant 10 ans, au Québec, c'est bon. Ouais, puis moi, ce qui m'impressionne beaucoup du Bob, c'est, vous avez comme votre formule en partant, là. Je sais que nous, on a pataugé beaucoup, puis encore aujourd'hui, on essaie, ben, c'est plus notre gimmick, là, de trouver des thématiques, ouais, ou ben changer les formats, tout ça. Mais... C'est ça la grosse différence entre nous deux, puis c'est votre force, on veut, c'est. C'est la diversité. Mais je trouve ça, je trouve ça quand même impressionnant qu'en partant, tu aies déjà comme une idée fixe, puis ça soit resté ça pendant 10 ans. Ah, mais c'est clair, je voulais qu'il y ait un Spirou slash Flux Glacial au Québec. Genre, puis ça, j'ai toujours trouvé que ça n'avait pas d'allure, qu'il n'avait pas. Il a tellement le talent pour ça, genre, je veux dire, c'est à but non lucratif, donc bénévole là-bas, puis le talent qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Imagine que ça serait si on les paierait, genre. Oui, c'est des fois, est-ce que c'est une question qu'on se pose justement de, OK, si je serais capable d'aller chercher des appuis XYZ puis pouvoir mettre en branle un peu toutes les choses? Parce que ça reste underground, mais ça reste underground aussi par manque de moyens de publicité, de diffusion. J'ai l'impression que c'est plus une question de marketing que, que de talent pur. Genre. Exact. C'est ce qu'on se pose. Je parle pas pour moi, je parle de l'ensemble. Exactement. Est-ce qu'on se pose la question des fois en disant, OK, ça fait 10 ans, ça fait 7 ans, 8 ans, est-ce qu'on serait capable d'amener ça au niveau marketing à l'étape supérieure? Nous, on se pose souvent la question. En fait, on est rendu là, je dirais, on a comme maturé et tout, puis c'est de faire le saut. C'est surtout parce que nous, c'est comme pas un hobby, mais c'est un beau projet qu'on fait à travers nos jobs principaux et tout. Puis là, c'est comme de faire le saut un jour. Puis des fois, on y pense. Peut-être, là, on a commencé à éditer d'autres projets, d'autres auteurs et tout ça. Mais là, on est comme dans cette ligne-là de voir est-ce qu'on se pitch pour de vrai ou non. Puis qu'est-ce que ça implique. Puis de le faire comme du monde aussi. Puis c'est ça. On analyse tout ça. Là, on voit où on s'en va avec ça. Tu veux dire prendre Copinec, Copino, puis le rendre à plus gros déploiement ou un autre projet? Peut-être à plus gros déploiement. On regarde ça, là, en fait, là, voir est-ce qu'on, si on n'y allait pas plus professionnellement, justement. Je veux dire, tant qu'à le faire, puis on met déjà du cœur, puis on le fait bien, puis on prend le temps, peut-être qu'on pourrait juste, c'est ça, avoir un vrai ISBN, puis faire ça sérieux. Là, ça. Dans une consultation en marketing que j'avais eue, un gars m'avait dit, puis aujourd'hui, je le comprends plus qu'à cette époque-là, on t'est rendu à mi-chemin, je pense, dans ce temps-là, puis il m'avait dit, si tu veux partir un projet comme ça, professionnellement, il faudrait que tu commences autre chose, parce que c'est vraiment difficile de prendre quelque chose qui est déjà une longévité, puis le transférer, finalement. Ouais, puis je le comprends aujourd'hui, c'est vraiment difficile de faire, le Bob 34, et maintenant, il est partout au Québec. Le monde serait peut-être rebuté par le 34. J'aurais peur. Hein? Oui, l'impression d'avoir manqué quelque chose d'une certaine manière. Donc, de trouver un spin-off ou une approche plutôt que de construire sur ça. Puis c'est un peu la question, dans le fond, que tu te poses, Joël. C'est sûr. Bon, entre autres. Là, mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai puis qu'on a, puis je pense qu'on serait plus apte à starter un projet. Un plus gros projet, puis que ça pourrait être plus efficace. Je dis pas que je veux arrêter le Bob, au contraire. Genre, mon but, c'est de faire ça. Tant qu'il y a du monde qui lise, moi, je le fais. Puis en même temps, au niveau travail, donc vous dessinez, vous éditez le truc, vous recrutez les autres auteurs, vous travaillez avec les autres auteurs, ça représente un peu quoi comme charge? Puis en parallèle aussi, est-ce que c'est facile de trouver des auteurs qui veulent participer, qui veulent être publiés aussi dans un contexte de publication indépendante, Moi, j'ai toujours trouvé, c'est plus facile de trouver des auteurs que de trouver des auteurs qui font du bon stock, là. On se comprend. Mais c'est ça. Mais nous, c'est pas la même formule. Nous, on fait pas vraiment d'appel d'offres ou quoi que ce soit. C'est plus une gang. C'est un collectif, ouais. Là. Mais en fait, c'est une gang d'amis qui dessinons. Mais, ça se trouve. Mais ça dépend de ton standard de qualité et tout, mais comme le Bob, il a toujours trouvé des bons trucs, je trouve. Ça a été progressif. Hein. Mais nous autres, c'est à mi-chemin de j'approche des auteurs, puis il y a des auteurs qui m'approchent. C'est vraiment à moitié-moitié, genre. Parce que, dans le fond, nécessairement, on se dit, il y a plusieurs centaines de personnes qui vont me lire, qui vont me voir. Donc, il y a quand même un sérieux, dans le fond, même si ça reste, on appelle ça un fanzine, mais en même temps, un fanzine qui dure depuis 10 ans, qui est distribué un peu partout, mais à un moment donné, ça finit par dépasser un peu le terme aussi. Oui, tout à fait. Bonne question à savoir qu'est-ce qui stimule les autres d'être là-dedans. Je sais pas si c'est la visibilité ou la carte blanche ou le fait de faire partie d'un collectif. Ouais, puis peut-être de faire sortir ses dessins ou ses idées de. Des fois, ça dépend. Il y a des gens tout seuls, ça marche bien, les blogs et tout, mais autant que d'autres fois, c'est ça, t'es pas. De pas être publié puis d'avoir des trucs intéressants, ça donne une plateforme aussi. Puis, dans notre cas, c'est vraiment aussi le trip de gang d'organiser, de faire les brainstorms, trouver les thèmes, sortir les projets. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est ça, il y a surtout moi et Guillaume Proto-Beaulieu, on est comme, on travaille plus à l'organisation et tout, puis on dispatch, puis les horaires, puis ci, puis ça. Puis c'est des fois, le truc que je trouve difficile, c'est de on aimerait ça peut-être plus faire de la BD que de la gestion, mais en même temps, c'est le fun d'en faire parce que c'est notre bébé, puis on veut s'en occuper, là, puis ça devient, tu portes plusieurs chapeaux en même temps. Là. On peut pas s'en sortir de ça, ça fait partie de la game. Et si on avait, mettons, sans nécessairement tomber dans un nombre d'armes, un estimé, je veux dire, un numéro du Bob, un recueil de Copinet Copino, c'est, j'imagine, on arrête de compter les heures ou? C'est relatif. Tu parles de mes heures en tant que réalisateur ou dessinateur aussi, ou c'est... toutes les heures de tout le monde réunies, ça. Sur les tiennes, globalement, ça doit être déjà assez imposant. C'est difficile à dire parce que je fais pas juste ça, c'est que c'est mélangé avec tout le reste, des fois c'est plus, puis j'ai pas l'habitude de compter mes heures, c'est que c'est très difficile. Il faudrait pas. Je veux dire, ça serait trop déprimant à compter, j'imagine aussi, ouais, à Londres. Mais... Ben, dans les périodes où on sortait régulièrement, je travaille à temps plein là-dessus. Okay. C'est la job. Il y a eu une époque où le Bob avait une équipe, mais maintenant c'est juste moi, là, fait que... J'ai tous les chapeaux en même temps. faut pas dire ça, mais je sais que souvent... Je profite de mon emploi pour travailler là-dessus un peu en même temps ou le soir aussi, là. Mais c'est ça, je pourrais pas compter mes heures, mais ça trotte tout le temps quelque part, là. C'est peut-être pas, je fais peut-être pas ça à temps plein, on l'éparpille beaucoup, là, mais il y a des journées, il y a des crunchs, puis comme l'an passé, on a fait une BD couleur et tout, puis il a fallu la faire en 2-3 semaines, là, fait que c'était la colorisation et tout, tous les soirs, là. Ça peut être intense parfois, là. Et puis après ça, en jonglant aussi avec justement le nombre de ventes potentielles, le coût d'impression, pas perdre d'argent non plus là-dedans. J'imagine que de ton côté, Joël, le fait de savoir, OK, c'est ça mon lectorat, j'ai ma base, j'ai mon noyau, donc ça permet de balancer peut-être un peu plus facilement que si on se lance sans savoir justement exactement combien on va en vendre. Ah, ben ça, c'est sûr, les deux premiers numéros, ça n'a rien à voir qu'aujourd'hui. On avait fait, je pense que le premier numéro, on avait fait imprimer 400. On les avait tous vendus, ce qu'on avait fait, on avait refait 200, mais le concept de la nouveauté, ça avait stimulé beaucoup. Puis là, on arrive pour le deuxième numéro, on a refait 500, puis on n'a jamais réussi à les vendre. Puis à partir du troisième numéro, ça a été notre stabilité de 300 exemplaires qui a duré jusqu'à maintenant. Avec des petites variantes, des fois, entre 200 puis 500 quand même. Mais j'ai jamais réussi à passer mes Bob 2, on a brûlé, puis jeté, puis ça a servi de gazette régulièrement. C'est ton été. Ouais, c'est ça. Puis est venu un point ce que je pouvais plus en donner en promo parce que le produit était trop périmé. Les six premiers numéros étaient très amateurs quand même. Genre, il y a eu une progression assez flagrante du début à la fin du Bob. Les nouveaux lecteurs sont surpris des fois quand ils voient les anciens. C'est comme, ben voyons donc. En fait, si on parlait d'évolution tantôt, c'est l'apprentissage du métier. Ah, tout à fait. L'épreuve du feu. Souvent... aux gens qui achètent les Copinets Copinons, là, mais il en reste plus pratiquement du premier ou du deuxième, là, mais c'était vraiment imprimé au cégep de Sainte-Foy dans le copieur de la classe, là, puis là, on est rendu ailleurs, mais c'est ça. Ça a bougé pas mal. Et on invite les gens à poursuivre peut-être un peu cet échange-là avec vous. Samedi, dans le fond, à partir de 14h, vous allez être au McFly pour jaser, pour vendre, pour montrer. Alors, une belle occasion de voir si on connaît pas déjà ou d'aller profiter justement de l'occasion autre que les lancements pour jaser aussi création, travail avec vous autres. Effectivement. Joël Sim, donc, du Bob. Julien Dallaire-Charrette de Copinet Copino. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Et nous, on repart en musique, toujours avec In the Garden of Impossible Abundance. We'll be right back. dernière ligne droite pour l'émission La vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Et ben, je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez aussi nous lire autre part, ben, toujours notre blog sur voir.ca, voir.ca/Raymond-Poirier. Et ben, on parlait d'activités qui s'en viennent. On a fait samedi, on a fait dimanche. J'ai envie qu'on se ramasse jusqu'à mercredi prochain. Mercredi prochain, ce sera les rendez-vous de la bande dessinée à la bibliothèque Gabriel Roy. Retour de cette série à 19h. Évidemment, des rencontres riches et accessible pour découvrir un peu l'univers du 9e art en compagnie de Michel Giguère, qui est avec nous au bout du fil. Michel, bonjour. Et qui est bien content que ce soit la rentrée. Je me suis ennuyé. Et tu t'es donné un beau programme d'ailleurs cet automne. On mentionnait au début, on jasait avec Maryse Dubuc des Nombris. Tu vas les avoir avec toi en novembre. Oui, ben en fait, c'est un petit peu un cadeau d'anniversaire que je me paye parce que c'est encore jusqu'à la fin de l'année 2015 le 10e anniversaire de des rencontres, là, des rendez-vous de la BD. Alors, on reçoit le tandem de la fée Dubuc en novembre, dans la grisaille de novembre. Ça va mettre du soleil et ce sont, tu sais, c'est deux personnes tellement loquaces, tellement articulées et sympathiques, ça va être un plaisir. Et évidemment, on explorera tes différentes thématiques, mais t'es là de toute façon tout au fil de l'automne et jusqu'en mai l'année prochaine, avec beaucoup de sujets comme à l'habitude. Et ben, peut-être en fait, on pourrait se lancer sur la prochaine rencontre pour entamer la 22e saison, quand même pas rien non plus, des rendez-vous de la BD. T'invites les gens à explorer un aspect plutôt ludique de la bande dessinée. Ben oui, ça fait un petit peu le contrepoint avec les thèmes sérieux de l'année dernière, des thèmes parfois même graves, comme celui d'octobre. Dans le cadre de Québec en toutes lettres, comme à chaque année, j'ai choisi un thème en lien avec le thème du festival, qui est cette année la liberté d'expression. Eh bien, moi, j'ai intitulé mon activité « Témoigner, dénoncer ». Il va être donc question de BD documentaire, plus précisément des BD de reportage, mais pas seulement, puisqu'il va y avoir aussi des essais en bande dessinée. En fait, il peut y avoir en BD le même genre d'ouvrage documentaire que dans le livre documentaire ou le film documentaire. Alors, tu sais, il y a des préjugés tenaces envers la bande dessinée que je m'évertue, et toi de même, à démolir année après année, activité après activité. Et puis, en même temps, je me dis souvent, il faut pas aller dans l'autre extrême et puis en venir à devenir élitiste. Donc, je me plais cette saison-ci à ouvrir les saisons avec un thème, justement, qui va faire sourire, où, oui, il va y avoir des bonhommes à gros nez, mais au fil de la soirée, on va vraiment aller dans l'analyse plus poussée là, du médium. Et justement, ben, en fait, on va sourire, on va s'étonner, on va se distraire, mais en même temps, il y a des éléments qui sont très techniques, donc on va voir un peu justement toute la mécanique, dans le fond, derrière la production BD, puis les jeux qu'on peut faire avec cette mécanique-là. Tout à fait. Tout le monde, je pense, dans l'assistance, va trouver son compte. Les gens qui veulent rigoler et les gens qui veulent réfléchir ou être vraiment surpris, puis aller un petit peu plus dans l'analyse. Par exemple, la fantaisie, ça suffit pas pour figurer dans la sélection de la soirée de mercredi prochain. La fantaisie, elle doit pas se confiner à la diégèse. J'y reviendrai. Il faut qu'elle contamine la forme. Il faut que le BDiste joue avec les codes. Il faut qu'il triture le langage de la bande dessinée. La diégèse, c'est quoi? C'est un terme un peu technique, là. Le Robert a une assez chouette définition que j'ai découvert en me préparant, là. C'est, eux autres, ils disent, c'est l'espace-temps dans lequel se déroule l'histoire proposée par la fiction du récit. En d'autres mots, c'est l'univers fictionnel. Donc, un exemple tout simple. Tu te souviens, mais t'es plus jeune que moi, peut-être tu t'en souviendras pas, un vieux dessin animé qui s'appelait Coco le clown, dans lequel on voyait apparaître la véritable main du dessinateur qui pouvait effacer ou ajouter des choses en cours de route dans le dessin animé. Alors, l'intervention du créateur dans son œuvre, ça, c'est pas dans l'univers de la fiction, c'est quelque chose qui est complètement inhabituel. Donc, c'est ce qu'on appelle un élément extra-diégétique. Alors, souvent, dans les exemples, dans ce dont on va parler, il va y avoir ces espèces de sauts-là qui traversent la frontière entre l'univers des personnages et notre univers à nous autres qui lisons l'histoire, là. Donc, on est un peu, par exemple, dans l'idée d'amener des éléments de la vie réelle, de notre quotidien, dans la BD, des personnages réels, dans l'univers BD qui est pas l'univers, notre univers réel, dans le fond. Oui, mais en même temps, bon, aussi, ça sera pas que ça, là. Mais effectivement. Sauf que bon, regarde. Mais c'était des exemples, peut-être justement, de différents procédés. Oui. On donnait l'exemple de l'irruption du créateur dans sa création tantôt. Il y en a d'autres aussi. Oui, il y a d'autres exemples. Par exemple, tu vois, l'apparition d'un personnage qui appartiendrait à une autre fiction, à une autre série, dans un univers peut-être complètement différent. Par exemple, je sais pas, moi, dans une BD humoristique, à un moment donné, il apparaît un personnage réaliste d'une autre série. La rencontre entre Luke et Luke et Blueberry, mettons. Ou, bon, un exemple dont peut-être certains se souviendront, dans Astérix et les Bretons, il rencontrait finalement les Beatles version Antiquité. Là. Mm-hmm. Par ailleurs, il y a aussi le principe de la mise en abîme du récit dans le récit, où jouer avec les éléments du langage de la bande dessinée, comme les bulles. Un personnage, tout d'un coup, qui se met à regarder la bulle avec laquelle il s'exprime, puis qui joue avec, ou qui commente, qui explique comment il parle avec la bulle, là, tout d'un coup, là, on n'est plus dans la fiction. Là. C'est comme s'il se met à nous parler à nous autres, et là, on est en train de décrocher de l'histoire fictionnelle. Là. Alors, que ce soit les bulles, mais ça peut être aussi le cadre des vignettes, la planche elle-même. Donc, c'est des éléments dont les personnages sont pas censés avoir conscience. Un personnage de BD qui s'accote sur le cadre de la case comme si c'était un mur, c'est pas supposé, là, tu sais. C'est comme si tu voyais au cinéma un personnage, un acteur qui s'accote sur le bord de l'écran, là. À un moment donné, là, il vient de se passer quelque chose d'étrange. Oui, donc c'est dans le fond, on laisse tomber le quatrième mur. Exactement. Et puis, on laisse tomber des fois les séparations entre les bandes, donc tu peux avoir des personnages qui circulent d'une bande à l'autre. Ça peut aller dans toutes sortes de directions, c'est bien le cas de le dire, d'où le titre sans dessus dessous. Et Michel Giguère, peut-être justement des lectures qu'on pourrait faire d'ici à mercredi et un peu des titres qui risquent d'être les vedettes de la soirée de mercredi prochain. Ben écoute, à tout seigneur, tout honneur, commençons par le grand classique des débuts de la bande dessinée, Little Nemo par Winsor McCay, aussi Crazy Cat que suivi pas longtemps après, Gottlieb avec sa rubrique à braque, Greg avec Achille Talon, donc là on en est des trucs un petit peu plus récents. Dans les années 90, il y a eu évidemment Marc-Antoine Mathieu avec Julius Corentin Akfak jusqu'à maintenant, là. Chris Ware avec son Jimmy Corrigan, on peut pas ne pas en parler. Du côté québécois, Jean-Paul Hyde, Left Hand, sans oublier aussi, par exemple, des gens comme la série Macanudo ou Early Mooch. Donc, on va aller dans toutes sortes de nationalités et toutes sortes de styles. Et parallèlement, en fait, si on y va aussi avec d'autres éléments qui vont être évoqués, ton texte promotionnel mentionne la notion de contrainte formelle. Évidemment, je pense que ça peut faire penser à l'ouvreur de bande dessinée potentiel Loubapo de Trondheim. Ben oui, qui a été fondé à travers la maison d'édition L'Association au début des années 90, qui s'inspire de Loulipo, l'ouvreur de littérature potentielle dans le roman, entre autres. Et puis, ils utilisent deux sortes de contraintes. Des contraintes qui sont génératrices, qui provoquent quelque chose, et des contraintes transformatrices qui transforment complètement. Toutes ces contraintes-là ont des espèces de noms très techniques difficiles à retenir. Disons que, pour l'instant, je te donne juste quelques exemples. Par exemple, raconter une histoire avec seulement une case ou un nombre défini, mettons avec deux, trois dessins différents, et tu modifies seulement les dialogues. Ou encore une bande dessinée qui se lit dans un sens, puis quand tu arrives à la fin, tu peux la relire dans l'autre sens. Limiter des éléments, par exemple, enlever tous les visages des personnages ou enlever tous les personnages de l'histoire puis garder seulement les décors. Faire une bande dessinée que tu lis d'abord normalement, et puis ensuite tu prends ton album, tu le vires la tête en bas, puis tu te rends compte que les dessins font sens, puis que ça se lit aussi dans l'autre sens. Je peux pas dire mieux que la tête en bas. Donc, c'est différents exemples, comme tu vois, qui sont très ludiques et que moi, je vais présenter dans une approche qui sera tout à la fois décontractée, mais quand même, j'aime bien, au fil de la soirée, aller de plus en plus loin là, dans la réflexion. Oui, puis de toute façon, en fait, je pense, en voyant déjà la description, je pense que les lecteurs de bande dessinée peuvent faire des références. On pense à tel BD à tel moment, mais le fait d'avoir les planches aussi, je pense que ça va permettre la compréhension. Puis j'ai l'impression qu'on est un peu aussi dans la construction de vocabulaire, de compréhension, de saisir un peu au-delà de l'impact humoristique sur le coup, mais la nature même de ce type d'intervention-là qui sont présents depuis longtemps dans la BD, mais qui ont un petit côté aussi avant-gardiste dans leur jeu justement avec la forme, avec le médium. tellement qu'il y a des trucs parus dans les années 10 qui sont encore avant-gardistes, comme Crazy Cat. Vraiment, je suis sérieux là. Alors, écoute, moi qui est quelqu'un de visuel, si j'entendais la chronique actuelle qu'on est en train de faire, toi puis moi, là, je comprendrais pas tout. Hein? Fait que t'as tout à fait raison. En voyant les planches sur grand écran, là, ça va faire sens et vraiment le côté ludique va être très visible sur l'écran géant. Et on va pouvoir, je pense que Crazy Cat, l'exemple est intéressant parce que c'est dans le fond un médium qui est en construction, qui est assez récent, la bande dessinée, mais finalement, rapidement, les gens sont venus à jouer avec les conventions qu'ils venaient d'établir. Oui, sauf que ils ont pas nécessairement fait école d'une façon très marquante. Oui. Ils ont été marquants chez les théoriciens, chez les historiens de la bande dessinée, mais ils sont tombés dans l'oubli pour le grand public et ils n'ont pas eu une pérennité très grande, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas engendré un tas de séries après coup. Là. Donc, c'est des trucs qui se veulent exploratoires, expérimentaux, et qui, longtemps après, font partie d'une espèce de petite famille sélecte de bandes dessinées qui vont plus loin dans l'exploration du médium que de simplement raconter. Alors, ben, on découvre ça, je le rappelle, le mercredi 16 septembre, 19h, sans dessous, dessous, jeu avec les codes, contraintes formelles, exercice de style, c'est à la bibliothèque Gabriel Roy. On se présente simplement, pas d'inscription requise. Michel Giguère, nous, on se dit au mois prochain. Et oui. À mercredi prochain, évidemment. Et je l'allais dire, oui, à tous ceux qui écoutaient, on se donne rendez-vous mercredi. Excellent. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, donc, c'est ce qui conclut l'édition de cette semaine. La semaine prochaine, on reste dans l'événementiel, puisqu'il y a le film Paul à Québec qui sort. Alors, on aura l'occasion d'en jaser avec Michel Rabagliati. Il y aura également Cyril Douaneau, bédéiste, qui a offert un livre sur le tournage de Paul à Québec, qui sera avec nous, pour refléter un peu sur son expérience. Alors, tout ça et plus la semaine prochaine de 17h30. C'est Raymond Poirier au micro pour La Vie en BD. C'est un plaisir d'être avec vous, et bonne soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.